Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez les bienvenus dans ce numéro de La Courte Échelle, ce numéro hors série. Alors le jingle que vous venez d'entendre n'a jamais été autant d'actualité puisque l'évasion, elle va être direction le Québec, puisque nous allons retrouver des artistes à consonance country. C'est la grande spécialité musicale de la province du Québec et bien sûr cette musique, je sais qu'elle vous plaît, donc nous allons passer une heure à forte dominante country dans cette émission. Le premier chanteur qui monte sur la scène de La Courte Échelle hors série, eh bien ce sera Jack Mélenchon. Vous le connaissez pour l'entendre régulièrement dans l'émission hebdomadaire La Courte Échelle avec ses nouveautés. Il nous interprète ici « Chacun reprend sa vie ». Claudette Plante nous emmène à présent au Festival Country. Elle avait un groupe avec son père et elle se trimballait dans les mariages, dans les clubs sociaux anniversaires, clubs de motoneige et festivals de la région. C'était dans la bosse et il y avait une complicité entre les deux quand ils étaient sur scène. Claudette Plante, la voici pour vous. Écoutez un hors-série de La Courte Échelle. On a travaillé fort toute la semaine. Karl Bastien est un petit nouveau dans la courte échelle. Il lance une superbe chanson avec Tout donné, un premier extrait de son album à venir qui va marquer pour l'artiste un retour aux sources. Et Karl Bastien, le titre qu'il nous propose, c'est Tout donné. Gagnon est natif d'Amqui dans la vallée de la Matapédia. Dès son plus jeune âge, il se produit seul avec sa guitare dans des spectacles. Il nous chante ici, Tom Gagnon, sa Matapédia. Voici un hors-série de la courte échelle. temps droit devant. J'ai longé la rivière, j'ai cherché dans ton océan l'écho de ma prière. J'ai ouvert ma fenêtre, c'est grand la matapédia, c'est grand la matapédia. Danny Boudreau est originaire du nord-est du Nouveau-Brunswick au Canada, et ce n'est pas tout à fait le Québec, et le voici avec la lune et le soleil. Et puis les autres qui changent le monde, et ce regard qui te surprend, qui n'a duré qu'une seconde. Et tous les jours qui font la file et qui attendent l'un derrière l'autre. Et cette passion qui se défile comme le plus lâche des apôtres. Je suis la lune et toi le soleil. Je vis la nuit puis je meurs quand tu te réveilles. Je suis la lune et toi le soleil. Et tous ces devoirs qu'il faut faire en regardant vers le plafond, y a des instants pleins de lumière où on se noie dans l'abandon. Y a tous les mots qu'il faut se dire, ceux qui nourrissent le mensonge. Y a les silences avant de partir et tous les regrets qui nous rongent. Je suis la lune et toi le soleil. Je vis la nuit puis je meurs quand tu te réveilles. Je suis la lune et toi le soleil. Y a les détours de faire semblant pour éviter l'inévitable. Y a tout ce temps qui perd son temps à faire des châteaux dans le sable. Je suis la lune et toi le soleil. Je vis la nuit puis je meurs quand tu te réveilles. Je suis la lune et toi le soleil. Je suis la lune et toi le soleil. Je vis la nuit et puis je meurs quand tu te réveilles. Folklofolie, et c'est un duo composé de deux artistes que l'on connaît bien dans la courte échelle, puisqu'il y a Marie-Claude Gagnon et André Varin. Et toi le soleil. Allez, voici avec Face à Face. Vous écoutez un hors-série de la courte échelle. J'ai pris Mon moteur, c'était ma force. Tout était calme et tout à coup, sous mon canot, ça grouille. Elle est apparue dans un remous, j'avoue que j'avais la trouille. Là, je suis tombé, face à face avec, j'en reviens pas encore. Là, je suis tombé, face à face avec, mais j'ai pas tiré de bord. Comme moi, un jour en solitaire. Partout, elle vous suivra jusqu'au bout de la terre. Que ce soit seul au fond des bois ou sur un lac immense, ce qu'on retrouve devant soi, c'est sa propre présence. Là, je suis tombé face à face avec. J'en reviens pas encore. Là, je suis tombé face à face avec, mais j'ai pas tiré de bord. Là, je suis tombé face à face avec, j'en reviens pas encore. Là, je suis tombé face à face avec, mais j'ai pas. Souvenez-vous de le Vaso Sirois et le dernier rodéo pour les fêtes de Noël. Il nous avait chanté « Le Père Noël vient de l'espace ». Eh bien là, le voici en pleine déroute puisqu'il va à l'est puis au sud. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. La remorque est remplie, on veut faire ce qui paraît impossible. On a une longue route devant et peu de temps pour arriver. Direction est sur la route des vilains. Garde ton pied sa pédale, touche jamais au brick. Oublie tout parce qu'on en a rien à faire. Le monde a soif à Saint-Rita, y'a de la bière à donner comme un. On va les emmener bien plus vite qu'ils pensent. La remorque est remplie, on va faire ce qui paraît impossible. On a une longue route devant et peu de temps pour arriver. Direction est sur la route des vilains. La remorque est remplie, on va faire ce qui paraît impossible. On a une longue route devant et peu de temps pour arriver. Direction est sur la route des vilains. La police pense à sirène, est sur tes talons. Alors je crois pas tant que t'es pas en prison. Faut que tu files, faut que tu évites. Faut presque le troc l'évite. Paye sa pédale pis donne-y l'enfer. La remorque est remplie, on veut faire ce qui paraît impossible. Fred Bellan a baigné dans la musique très jeune. Il est natif de Saint-René de Matane en Gaspésie. Il est né d'une famille de musiciens. On va l'écouter avec On va veiller tard. Et m'en revenir aussitôt. croiser ton regard là-bas au fond du bar. Et plus rien ne sera jamais comme avant, on le savait pas encore. Et ce soir en attendant, et on va veiller tard. Un jour à la fois dans ce village en Gaspésie. La vie continue aujourd'hui, on est trois, notre famille s'est agrandie. Moi qui croyais tout savoir, maintenant je garde en mémoire. Lorsque j'ai croisé ton regard là-bas au fond du bar. Manon Charlebois partage son univers chaleureux dans Ma Tante Roulotte, que l'on va écouter sur une mélodie entraînante. Elle chante le bon temps et la joie de vivre. En quelque sorte, c'est une ode à l'été. Je peux pas. matin trouleur. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Elle aussi est native de Gaspésie. Voici Guylaine Fournier avec Vers le quai. Alors comme j'ai l'impression que vous vous plaisez en Gaspésie, eh bien nous allons y rester l'espace de 3 minutes 30 avec Joseph Stéphane, la route jusqu'à Gaspé. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. De fête, à chanter et danser, qui nous font tant rêver. On rit ou bien on pleure, par tant d'attente au cœur, c'est la nouvelle année. On ne peut oublier, on ne peut qu'apprécier le bord de notre rivage. La vie vient du vivant. Alors prends du bon temps, comme le dit le vieil adage. Je fais la route jusqu'à Gaspé, l'auto est pleine à craquer, le cœur s'emballe de tant d'amour. Je fais la route jusqu'à Gaspé, les amis viennent célébrer, pour la famille c'est le grand jour. Je fais la route jusqu'à Gaspé, bientôt j'y arriverai. fais la route jusqu'à Gaspé. Le temps de fête est arrivé, j'ai envie de fêter. Chez nous c'est comme chez toi, le vent apporte du froid, alors viens faire ton tour. De l'espoir dans nos cœurs, appelle au grand bonheur de tous nous retrouver. Je fais la route jusqu'à Gaspé, l'auto est pleine à craquer, le cœur s'emballe de tant d'amour. Je fais la route jusqu'à Gaspé, les amis viennent célébrer, pour la famille c'est le grand jour. Je fais la route jusqu'à Gaspé, bientôt j'y arriverai. Je fais la route jusqu'à Gaspé, le temps de fête est arrivé, j'ai envie de fêter. Gaspé, l'auto est pleine à craquer, le cœur s'emballe de tant d'amour. Je fais la route jusqu'à Gaspé, les amis viennent célébrer, pour la famille c'est le grand jour. Je fais la route jusqu'à Gaspé. En 2017, quand la société qui gère ses droits d'auteur a appris à Danny Sauvageau qu'il avait gagné énormément d'argent avec ses trois chansons qui avaient énormément, elles aussi, tourné sur les radios à l'international, il a été agréablement surpris au point de pouvoir enregistrer son quatrième album ensuite avec cet argent. Et voici Cheval Fou. Il a pris le mort aux danses, pas parce que je l'ai décidé. Il connaît tous mes péchés, devine ma nature sauvage. L'aurais-je piqué comme une guêpe pour le mettre dans cet état de rage? J'ai croisé sur mon chemin de bons humains, droits et gentils, qui ont tendu de douces mains pour freiner mon jolly. Ce n'est pas que je m'en plains, c'est sa fougue qui me nourrit. J'ai rien que le sentiment parfois de pas tenir les rênes de ma vie. Assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou. S'arrêter, courant d'immense vers le ravin. Je sais comment ça va se terminer. J'ai croisé sur mon chemin quelques anges qui m'ont souri. Je leur ai renvoyé la main comme si ma course était finie. Assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou. Sandra Lecouteur, elle également est acadienne, la voici avec Au bout de mes silences. Vous écoutez Hors série de La Courte Échelle. Dans l'eau, l'eau salée colle à ma peau. Au clair de lune, la vague touche à la dune, n'y laissant qu'un goût d'écume. J'attends sur le quai que revient viennent me bercer. Prends-moi dans tes bras, prends-moi, emporte-moi au bout de mes silences. Lueur d'étoile sur la baie, allume les voiles dévoilées. Un clair obscur, reflet d'une peinture, de mesure en de mesure. Oh, j'attends sur le quai que reviennent un jour d'été. J'attends sur le quai que le vent vienne me bercer. Prends-moi dans tes bras, prends-moi, emporte-moi au bout de mes silences. C'est à toi que je pense, au bout de mes silences, je retourne à l'enfance. Dans tes bras, ton cœur qui bat me donne la cadence, et je danse, je chante. Prends-moi dans tes bras, prends-moi, emporte-moi au bout de mes silences. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est à Gary Michaud de monter sur la scène de ce hors-série de la Courte Échelle pour nous présenter sa chanson. Écoutez un hors-série de la Courte Échelle. Bazou, ça prend du pain, des cigarettes. On gratte le fond pour payer nos dettes. Tu de la monnaie. Je fais des petites jobines pour arrondir la fin du mois. Car ça prend tout pour nourrir le chat. Travaillera à petit salaire. On achètera bonbons pas chers. On aura les pieds sur terre. Ça fait bien du sens. On se fera du cash pendant le rush. Même si on s'y prend tout croche. Mais notre amour sera sa coche. Qu'est-ce t'en penses? Trouver un peu d'ouvrage, un supplément à mon chômage commencerait demain. Il y a bien des choses qu'on aura pris pour acquis. Puis là, les contraintes à l'infini, il reste jamais rien. On achètera bonbons pas chers. On aura les pieds sur terre. Ça fait bien du sang. sera sa coche. Qu'est-ce que t'en penses? On mangera des sardines de douleur à mort. On ira chez la voisine pour voler son bois. On fera ce qu'on pourra. Qu'est-ce que t'en penses? Tali Boyer est une artiste de l'Outaouais. Elle est autodidacte, autrice, compositrice et interprète. Elle est sur scène depuis l'âge de 7 ans. La voici avec ce grand galop. Marisa Charité est autrice, compositrice et interprète. Elle est née à Drummondville. Elle grandit au son de la musique country que ses parents affectionnent tout particulièrement. La voici avec ce serait dommage. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tous les deux, rien à nous dire, où sont passés nos jours heureux. Même nos regards s'évitent, quel est ce jeu? Passe le temps et s'enfuient les jours. Ce serait dommage. le mot fin et tourner la page après tant d'années. Non, je ne suis pas prête à tout laisser tomber. Notre belle histoire ne peut s'écrire au pas. Gabriel Bouchard, mieux connu dans les milieux country, sous le sobriquet de Gabby Woogie, chante pour vous la musique country. Si comme moi, tu aimes la musique country, je t'offre mon cœur à deux mains. Sous ces belles mélodies, nous voilà encore réunis. On partage nos histoires en chansons. Si comme moi, tu aimes Hank Williams, je t'offre mon cœur à deux mains. Malgré sa courte vie, on le chante encore aujourd'hui et on le chantera toujours demain. Si comme moi, tu aimes Merle Haggard, je t'offre mon cœur à deux mains. Quand il prend sa guitare, qu'il nous jette son regard, nous sommes de tout cœur avec lui. Si comme moi, tu aimes Patsy Cline, je t'offre mon cœur à deux mains. Cette voix qui m'emporte à chaque fois, c'est bien simple, ça me rend crazy. Si comme moi, tu aimes Willie Nelson, je t'offre mon cœur à deux mains. Un poète échevelé, sa guitare tout usée, il porte le country à tout vent. Plusieurs autres. Une aventure avec toi, c'est Conrad Stéphane. C'est avec lui que va se terminer cette émission hors série. C'est sur la côte nord, à cette île à 900 km de Montréal, sur le bord du golfe Saint-Laurent, qu'est né Conrad Stéphane. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade de l'autre côté de l'Atlantique. Si ça vous a plu, et bien je vous rappelle que chaque mois, et bien nous retrouvons les artistes de la scène indépendante québécoise dans la courte échelle. En attendant de les retrouver tous, je vous souhaite une très bonne continuation à l'écoute de votre radio et surtout, soyez heureux. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.